Je me suis levé du pied gauche et je ne trouve plus mes pantoufles. En regardant sous la commode, je m'aperçois que je m'étouffe. En regardant dessous les lits, j'ai attrapé le torticolis. En regardant dans le frigidaire, j'ai attrapé un courant d'air. Maintenant ma vie est un enfer. Je ne me déplace plus qu'en nageant. Maintenant ma vie est un enfer. J'ai la maladie du gardon.